Certains objets sacrés incarnent le centre de ce drame silencieux. Ainsi, le trésor de Ségou subit le sort le plus cruel. Le colonel Archinard l'a saisi en 1890, en emportant un sabre et des dizaines de bijoux d'or. Aujourd'hui, seules 22 pièces restent localisées en France, malheureusement, le reste a disparu en silence. Les descendants d'Oumar Toll expriment douleur mais aussi impatience face à l'attente interminable. Ces dialogues intimes, recoupés lors de l'enquête de la journaliste Tena Tervonan, touchent au cœur, exemple vécu. De même, de l'Éthiopie au Bénin, du Gabon au Cameroun, chaque artefact emporté crée un vide béant. De plus, des chercheurs de Dénin Digital révèlent la complexité de l'histoire de ces bronzes d'Issaru. Leur travail s'appuie sur des témoignages locaux précieux. Non seulement ces objets possédaient déjà une longue vie avant d'être exposés en Europe, mais en outre, ils transportaient une mémoire collective irremplaçable. Finalement, chaque histoire laisse un goût d'inachevé. Le silence, la mémoire et le retour. Dès lors que ces œuvres disparaissent, la vie quotidienne des peuples s'en trouve bouleversée. Progressivement, les générations se succèdent sans jamais pouvoir voir ni même toucher les symboles de leur histoire. En effet, cette absence empoisonne la transmission. Les rites ne se pratiquent plus comme avant et beaucoup de mots s'éteignent. L'éducation et la recherche, elles aussi, s'assèchent peu à peu, comme l'explique la chercheuse Claire Bostiessé. C'est pourquoi chaque restitution d'une pièce compte bien davantage qu'un simple retour matériel, elle répare un lien invisible. Patrimoine africain sacré hors d'Afrique. 1. Les bronzes du Bénin, le pillage orchestré. En 1897, une expédition militaire britannique dévaste le royaume du Bénin. Des milliers de plaques et sculptures en bronze quittent l'Afrique pour Londres. Aujourd'hui, ces œuvres ornent les vitrines du British Museum. Pour beaucoup, elles perpétuent l'arrogance coloniale et ravivent la douleur du passé. Toutefois, une partie des bronzes revient au Bénin après plus d'un siècle. 2. Le trône du roi Gezo, symbole arraché. Les troupes françaises saisissent le trône royal du Dahomey en 1894. Précieux et chargé d'histoire, ce siège exposé à Paris s'impose désormais comme un emblème du débat sur la restitution. Pour les descendants, il représente bien plus qu'un simple objet, il incarne la mémoire d'un règne et une relique irremplaçable. 3. Le sabre d'El-Hadj Oumar Toll, une lignée dépouillée. Le colonel Archinard s'empare en 1890 du sabre du chef résistant Oumar Toll. Cet objet miraculé traverse guerre et inventaire. Malgré les requêtes répétées, ses héritiers n'ont pas obtenu son retour. À chaque étape, la frustration et la blessure persistent. 4. La statue de la reine-mère Idia. Parmi les bronzes du Bénin, la tête d'Idia se distingue par sa puissance spirituelle et maternelle. Dérobée lors du même raid de 1897, elle symbolise l'efficacité d'un pillage méthodique. Aujourd'hui, son effigie inspire artistes et militants, prouvant qu'aucun chef-d'œuvre ne devrait être arraché à sa terre d'origine. 5. Le trésor d'Abomey. Ce trésor réunit trône, sceptre et porte royale subtilisée au royaume d'Abomey. Longtemps ignorés dans les réserves françaises, ces objets font l'objet de restitutions partielles, jugées insuffisantes par de nombreuses communautés concernées. 6. Croix, Bible et manuscrits d'Éthiopie. En 1868, au cours de la bataille de Magdala, les troupes britanniques emportent une grande partie du trésor liturgique éthiopien, croix, manuscrits, bibles enluminées. Conservées au Royaume-Uni, ces reliques restent attendues par l'Église éthiopienne. Elles incarnent une foi déracinée. 7. Masque femme du Gabon, héritage volé, identité blessée. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, des centaines de masques sacrés Fang quittent le Gabon, acheminés à ethnologues et marchands. Pour les communautés Fang, chaque masque volé raconte la perte d'un rite, d'une famille et d'une spiritualité détruite. Objets emblématiques dispersés. Bronze du Dénin et des centaines de plaques et têtes royales pillées en 1897, visibles pendant plus d'un siècle au British Museum, à Berlin ou à New York. Trône royal du Dahomey, du Bénin, arraché en 1894 par les troupes françaises, il symbolise une spoliation culturelle et une revendication de retour. Sabre d'El-Hadj Oumar Toll, objet de légende saisi en 1890, réclamé depuis des générations de Maliens et de Sénégalais. Masque Fang, du Gabon, chef-d'œuvre cultuelle dispersé entre les musées de Paris, de Berlin et de Bruxelles. À travers eux, c'est l'identité de communautés entières qui a été fragilisée. Trésor liturgique d'Éthiopie, Magdala, croix, manuscrits et Bible, volés lors de la campagne britannique de 1868, toujours conservés à Londres et dans d'autres collections occidentales. Récades, sceptres, royaux font emblème du Bénin, longtemps gardés dans des collections privées avant que certains ne réintègrent le pays. Crâne du chef Lusinga, Congo, relique humaine détenue au Musée royal d'Afrique centrale en Belgique. Bijoux du trésor de Ségou en majorité, perdus, dans les collections françaises après leur saisie lors des campagnes coloniales. Objets macombes, masques kota, statues bambées trouvées dans différents musées occidentaux, loin des sociétés qui leur attribuent un rôle spirituel ou familial. Sites archéologiques spoliés ou contrôlés hors d'Afrique. Pyramides et plateaux de Gizeh, Égypte, où de nombreuses statues, sarcophages et momies sont partis pour le British Museum, le Louvre ou le Metropolitan Museum. Ruines de Tipaza, Algérie, certains objets ont été exposés hors d'Afrique lors d'expositions universelles et restent insérés dans des collections étrangères. Volubilis, Maroc, Tingad, Djémila, Kala des Deni Hamad, Algérie, aux fragments, mosaïques, inscriptions présentées dans les musées européens. Sites royaux du Dahomey, Bénin, au-delà des trônes et portes, des objets de culte ou de cérémonie restent hors continent, en attente de retour. Grove sacrée d'Ozan Ozogbo, Nigeria, objets rituels collectionnés au fil du XXe siècle, certains jamais retournés. Site de Magdala, d'Éthiopie, dépossédé de ses trésors en 1868, ses reliques religieuses attendent toujours la réconciliation. Trésors du royaume du Congo et du peuple Sawa, Kinshasa, Douala, etc., aux nombreuses pièces majeures transférées vers Munich, Bruxelles ou Paris. Cette liste ne prétend pas être exhaustive. Elle démontre la diversité des pillages et la douleur persistante de voir une mémoire précieuse conservée hors de son foyer originel, souvent sans espoir de retour. Quand la spoliation vole l'âme et l'avenir de l'Afrique. Ce qui a été soustrait au continent africain dépasse de loin la simple perte d'objets d'art ou de patrimoine matériel. La confiscation de statues, masques et reliques a aussi ouvert la voie à une usurpation spirituelle. Hors de leurs terres, ces symboles, jadis investis d'une énergie sacrée, deviennent décorations, sources d'inspiration pour d'autres cultures ou objets de convoitise sur le marché de l'art. Ils sont exposés, copiés, réinterprétés sans respecter la nature profonde de leurs principes rituels. Ainsi, le pillage ne conduit pas seulement à un silence ou à un vide psychosocial. Il provoque une destruction invisible mais systématique de la cohésion, du récit commun, du lien avec l'ancestralité. L'Afrique, jadis flamboyante par la puissance de ses empires, la profondeur de ses rites et la vitalité de ses villes, a été marquée dans sa chair mais aussi dans son âme. Réparer n'est pas seulement rendre les objets volés. C'est reconnaître la violence faite à l'imaginaire collectif des peuples, dénoncer l'exploitation et la dénaturation de leur savoir sacré, retrouver le chemin d'une transmission digne et fidèle. Refuser l'amnésie, c'est admettre que la grandeur d'une civilisation ne se mesure ni en trophée ni en vitrine, mais dans la lumière qu'elle diffuse sur sa propre terre, par sa propre voix. L'histoire reste ouverte. Chaque restitution, chaque reconnaissance, chaque mot partagé éclaire un peu plus le chemin du retour vers la lumière du patrimoine africain authentique. Bibliographie sélective sur la restitution et le vol du patrimoine africain. Bénédicte Savoie N. Felwinsar, Restituer le patrimoine africain, vers une nouvelle éthique relationnelle, édition Philippe Ray, 2018. Thénater Venant, Les otages, sur les traces des butins coloniaux au Soudan français, édition Marchiali, 2022. Quam Opoku, Who Owns Africa's Cultural Heritage, Vario article en ligne, 2011 à 2020. Sylvain Djash Nzefa, Le retour du patrimoine africain, enjeux, acteurs, résistance, L'Harmattan, 2020. Emmanuel Pierra, L'art africain volé, pillé, restitué, édition Gallimard, 2020. Collectif, rapport Sarsavoie sur la restitution du patrimoine culturel africain, commandé par la présidence française, 2018. CNRS Le Journal, biens culturels en voie de restitution. Patrimoine africain, le droit de garde pourrait se substituer au droit de propriété.